qu'on va poser des questions. Quand on s'ennuie précisément de quelqu'un ou de quelque chose, ce n'est pas vraiment l'ennui. L'ennui, c'est grand, on ne sait pas. C'est quand, on ne sait pas. J'aurais dû aller avant. De qui? On ne sort pas de quoi, c'est un état d'âme qu'on peut appeler nostalgie, mélancolie, mais qui est d'une nature, non vraiment... Bon, Seigneur. Si moi j'écris mal, moi je suis... Non destructif, bien oui. C'est pas parce que c'est mal écrit, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, quand on s'ennuie précisément de quelqu'un ou de quelque chose, ce n'est pas vraiment l'ennui. L'ennui, c'est quand on ne sait pas de qui ou de quoi. C'est un état d'âme. Bon, j'aimerais préciser que c'est effectivement un état d'âme parce que l'âme, c'est exactement le corps astral de l'homme. Alors, c'est un état d'âme qu'on peut appeler nostalgie, mélancolie, mais ça, c'est simplement des formes d'expression de l'ennui. Mais qui est d'une... Bon, c'est une forme de mélancolie, mais qui est d'une nature non vraiment identifiable, non descriptible. Alors, quand on s'ennuie de quelqu'un, si c'est pas de l'ennui, je sais pourquoi on s'ennuie. Bon, il y a des jeux de mots là-dedans. Mais quand une personne n'est pas là, on s'ennuie, puis l'ennui, c'est simplement ça, c'est que nous, on a, de par notre psychologie, un mécanisme qui essaie toujours de faire continuer dans le temps un événement qu'on vit, qu'on aime. Alors, si moi, je suis avec quelqu'un et puis que j'ai des réactions émotives avec qui sont très plaisantes, je veux qu'elles continuent. Alors, si je vois un lever de soleil absolument extraordinaire, bien, quand je vais revoir un lever de soleil 2 ans ou 2 semaines ou 2 jours après, je vais le comparer à celui que j'ai trouvé extraordinaire, puis déjà inconsciemment, j'aimerais qu'il soit pareil pour pouvoir revivre les mêmes choses. Si l'individu avec qui je me sens bien s'en va, je m'ennuie pour la simple raison que j'ai un désir de continuité dans le temps. Je m'attache à vouloir revivre ce phénomène-là. Quand je vais le revivre, je vais donc avoir un support pour pouvoir permettre à ce phénomène-là d'être revécu. Et là, je veux le revivre, c'est-à-dire que même mon imagination travaille, ma psychologie, mon astral, et puis je n'ai pas le support adéquat pour pouvoir le vivre. Alors, ce qui fait que je m'ennuie. L'ennui peut s'exprimer sous la forme de mélancolie, de nostalgie, mais la mélancolie, ça peut être s'ennuyer d'un événement ou d'un lieu. La nostalgie aussi, c'est souvent rapporté à un lieu. Par exemple, les marins peuvent avoir la nostalgie de la terre qu'ils ont quittée ou vice-versa, quand ils arrivent à terre, ben là, ils sont bon. Alors, c'est toutes des formes d'ennui, mais que nous, on a donné des termes, des noms, pour la simple raison que c'est un ennui qui était attaché à du matériel, un ennui qui était attaché à une psychologie, etc. Alors, ce qui fait comme, par exemple, en français, dans le mot « amour », on a différentes choses qu'on désigne par le mot « amour ». Mais si on regarde psychologiquement, c'est toute la même affaire. Que j'aime mon char, que j'aime ma femme, c'est le même genre d'amour qui s'exprime différemment. De toute façon, l'amour, je ne vais pas trop en parler là, on va revenir à un moment donné lors d'une autre conférence, là, c'est ou d'une série de conférences. Alors, présentement, ben, c'est ça. Si je m'ennuie, si je ne sais pas de qui, c'est que je ne sais pas d'où, quel est le support qui vient de disparaître. Donc, je m'ennuie, mais je ne sais pas de quoi. Alors, à cet ennui-là, va naître lentement une petite peur. Mais ça, c'est de l'ennui. Mais si je sais de quoi, je m'ennuie, même chose, sans le phénomène de peur, sauf si je n'ai pas la certitude que mon support va revenir à un moment donné, automatiquement, ça suscite en moi des peurs. Mais c'est évident que la mélancolie, la nostalgie, l'ennui, tout ça, c'est toutes les mêmes formes. Parce qu'il faut juste, quand on s'ennuie, la prochaine fois que vous allez vous ennuyer, là, ben, vous allez trouver ça moins ennuyant. Si vous observez pourquoi vous vous ennuyez, puis si vous êtes capable de vous exprimer autant, malgré l'absence du support. Puis si vous êtes capable de vous exprimer autant, vous allez vous rendre compte que vous vous ennuyez plus. Puis si vous n'êtes pas capable de vous exprimer autant, vous allez vous rendre compte que vous vous ennuyez. Et puis, ce qui est amusant, c'est juste le phénomène de la recherche de l'ennui quand elle est faite par l'intellect. Donc, mettons, après une conférence comme ça, on commence à s'ennuyer. Et puis là, on va étudier. On va, intellectuellement parlant, refaire le chemin de l'ennui. Et puis, juste ça, c'est assez intéressant pour faire disparaître l'ennui. Alors, ça fait juste prouver, effectivement, que le mécanisme de l'ennui est supporté par l'absence de support pour la psychologie qui, normalement, doit s'exprimer. Alors... Oui, c'est quand on s'ennuie de quelqu'un, ben on s'ennuie. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'on s'ennuie de quelqu'un. Quels sont les mécanismes pour enlever cet ennui? Bon, il y a différents cheminements qu'un être humain peut suivre pour pouvoir se débarrasser de l'ennui. Maintenant, les cheminements vont être adéquats, dépendants du cheminement que l'être humain a suivi pour arriver à l'ennui. Le chemin le plus facile, comme tout à l'heure je disais, c'est de ne pas s'ennuyer. Bon, ça a l'air bien con, mais on dit aussi que la meilleure assurance maladie, c'est la santé. C'est la même affaire pour l'ennui. Si l'individu est capable de se prendre en main de façon à être capable de s'observer, l'observation, c'est une porte de libération pour à peu près toutes les conditions psychologiques de l'homme. Si tu as peur et que tu t'observes, la peur disparaît. Si tu as des conflits émotifs, on parle bon, de colère, de jalousie, de tristesse. Tristesse est quand même assez assujettie à l'ennui à un moment donné. C'est une autre forme d'ennui comme la mélancolie, la tristesse. Là. Quand tu parles de s'observer, est-ce que tu veux dire sortir à l'extérieur et puis... Oui, mais c'est parce que c'est facile à expliquer intellectuellement, mais c'est très difficile à comprendre. C'est pas facile à réaliser. C'est pas facile à réaliser parce que difficile à comprendre. Puis quand je parle comprendre, ça veut pas dire de comprendre les mots de l'orateur. Le mot, c'est rien qu'une forme, ça. C'est ce qui est amené par la forme du mot qu'il faut saisir. Puis la personne qui le saisit fait la démarche elle-même. Bon. Alors, ce qui est important, dans l'observation, premièrement, quand une personne veut s'observer, si elle s'ennuie, ou si elle a peur, ou si elle est en colère, la personne ne doit pas se juger. Donc, accorder crédit à son ennui ou encore juger d'une façon négative son ennui. La personne ne doit pas réfléchir à son ennui. La personne ne doit pas intellectualiser son ennui. Parce qu'il faut bien comprendre, si l'ennui vient, il manque un support. La personne qui s'observe va s'en rendre compte tout de suite. Bon, elle va pallier par un support qui va revenir instantanément là, il n'y a plus d'ennui. Ce qui va arriver, c'est que si l'ennui vient, tu l'intellectualises. C'est un cheminement qui est bon pour une masse, pour une grande partie des individus, mais qui doit être répété continuellement et souvent. Ça ne réglera pas l'ennui, ça. C'est pas un médicament miracle, mais c'est un bon médicament. Le médicament miracle existe, c'est l'observation. Par contre, pour pouvoir observer, si tu intellectualises ton ennui, tu vas automatiquement mettre un support à une de tes expressions psychologiques, celle de la recherche, et puis l'ennui risque de disparaître. Ça règle ton problème, tes médicaments. Ça règle ton problème. Mais tu ne connais pas le mécanisme de l'ennui. Tu es toujours sujet à t'ennuyer dans un futur. Alors, ce qui fait que si tu intellectualises l'ennui va disparaître. Si tu juges l'ennui disparaît parce qu'il y a des concepts qui viennent, une colère qui s'instaure, puis la colère, c'est aussi une expression, puis automatiquement, le phénomène de l'ennui devient un support pour l'expression de la colère. Tu peux t'haïr, tu peux te maudire, tu peux haïr l'ennui, tu peux, etc. Alors, ce qui fait qu'encore là, l'ennui va disparaître. Tu ne peux pas voir l'ennui. Donc, tu ne peux pas comprendre ces mécanismes. Si tu t'observes, tu ne dois pas juger, tu ne dois pas rien faire dans ce sens-là pour justement ne pas faire disparaître l'ennui. Alors, t'observer, c'est quoi? C'est difficile à expliquer, mais c'est quand tu es dans un état qui laisse libre cours à l'émotion ou à l'événement qui se vit à l'intérieur de l'homme. L'extérieur n'a pas d'importance là-dedans, c'est toujours toi qui le perçois. Alors, si tu laisses libre cours, par exemple, à l'ennui, l'ennui vient. Tu sens que tu t'ennuies. Tu te sens malheureux, tu te sens triste. Comme je te dis, ça va très, très, très bien ensemble. C'est des expressions, la tristesse. Après une certaine phase d'ennui, on commence à être triste, on peut pleurer, on peut faire d'autres choses avec, on peut prendre des médicaments. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu laisses vivre l'ennui à l'intérieur de toi et que tu es capable de l'observer sans mettre de jugement, sans la mélanger avec des concepts, sans la décortiquer, sans la tuer, si tu es capable de juste la laisser vivre, là, mais d'être conscient qu'elle vit, tu ne penses pas à l'ennui. Tu ne raisonnes pas à l'ennui. Tu fais rien. Tu es conscient que tu t'ennuies. Ben là, tu t'approches de l'observation. Puis, ça a l'air facile à dire, là, mais de toute façon, à un moment donné, il y a un individu qui fait ça. Je sais que certains individus qui commencent à le faire, et puis ils vont s'ennuyer. Puis ils vont s'observer. Ils vont laisser couler l'ennui. Il faut que l'ennui vive sa phase pour pouvoir être perçu consciemment par l'individu. Quand l'individu le laisse vivre, l'individu voit tout. Puis c'est pas intellectuel. Puis l'ennui disparaît parce que toi, tu pourras rire. Tellement tu vois comment t'es niaiseux. C'est de la canaliser, hein, ça, en fait. Oui, c'est ça. Ça équivaut à ne pas la contrôler comme l'intellect voudrait le faire, qui est un médicament temporaire, mais ça équivaut à canaliser l'ennui. C'est-à-dire qu'en connaissant tous les mécanismes de ta psychologie, et pas les mécanismes, moi, j'aime ça, fait que quand je l'ai pas, je suis en colère, donc faut que je l'aille. C'est pas ça connaître les mécanismes de la psychologie. Ça, c'est connaître son ego, puis vouloir qu'il ait raison son ego. Ça va toujours susciter des conflits. Connaître sa psychologie, c'est que ça, j'aime ça, puis quand je l'ai pas, je suis en colère. Pourquoi? Ben, il faut pas que tu répondes parce que tu l'as pas, t'as là. Quand tu l'as, t'es pas en colère. Fait que t'as qu'à t'organiser pour l'avoir, tu sais, c'est ça, là. Psychologie humaine, s'étudie comme ça. Mais ça, c'est un non-sens. Bon. Alors, moi, j'ai une réaction, bon, telle affaire, puis je me sens malheureux. Fait que, observe-toi. Tu vas voir comment tu as la quétaine. Puis automatiquement, tout disparaît. C'est simple comme bonjour. En autant qu'il n'y a pas d'émotivité, qu'il n'y a pas d'émotion. Si tu as avec une observation qui est pure, tu as une sincérité d'observation, tu as une observation qui est absolument pure, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je disais, tu ne raisonnes pas l'événement que tu vis, tu l'intellectualises pas, tu l'as mémorisé, et si tu l'observes, tu ne la mémoriseras même pas, elle ne laissera même pas de trace en toi. Tu ne la juges pas, tu ne la condamnes pas, tu ne l'approuves pas. Il y a du monde qui vont être en colère, qui vont décider qu'ils ont une juste colère. Ils ont le droit d'être en colère. Sa femme l'a trompé. Il n'y a pas de juste colère. Il y a juste la colère. Mais si tu observes ça, ben en fin de compte, merde, pourquoi que de bord, l'événement qui te martyrise le plus, tu y mets plus d'importance que les événements que tu aimes? Tu sais, si tu t'observes, il y a bien des choses, des idées, il y a l'intuition qui va commencer à travailler, qui est une entrée en contact avec une énergie plus intelligente que l'énergie émotive, puis plus intelligente aussi que l'énergie mentale, qui va finir par t'amener certaines solutions. Mais quand tu t'observes, on pourrait dire, par exemple, tu es capable de méditer. Alors, si tu es capable d'entrer en transe méditative, tu t'ennuies pas. Mais si tu es capable d'arriver dans à peu près le même genre de transe, d'observation, en plein événement, instantanément, tu observes. Tu es tout le temps efficace parce que tu n'es pas pris par toute la technique de la transe méditative. Là. C'est une chose qui se fait instantanément dans l'événement. Je m'ennuie, paf, je suis en transe, j'observe, je vois tout. Puis tu vois réellement tout, puis tout disparaît. Puis c'est pas une solution, tu n'as pas de technique à appliquer par après, tu n'as pas rien, non, ça disparaît. Ça disparaît, puis c'est normal que ça disparaisse parce que là, tu viens de passer dans troisième vitesse, c'était mieux de ta vie psychologique, au lieu d'être toujours en deuxième ou en première, en te demandant ce qu'il y a de troisième. Est-ce qu'il y a un risque, qu'en s'observant comme ça les premières fois, qu'une personne accentue l'ennui? Non. Le seul risque qu'il y a, c'est que la personne pense qu'elle s'observe, la personne ne s'observe pas, la personne ne fait qu'intellectualiser ce qu'elle vit. Alors, si tu intellectualises ce que tu vis, je m'ennuie. C'est vrai que je m'ennuie. Puis je m'ennuie parce que c'est plate. Bon. Puis là, tu continues, là, puis tu te rends même pas compte du phénomène que tu fais, mais tu fais juste donner un support à ta colère ou à ta... L'ennui. À l'ennui, ouais, c'est ça. Fait qu'automatiquement, ben, tu t'ennuies. Puis tu continues à susciter l'ennui en toi. Mais, parce que là, tu essaies de la juger quand tu... Oui, mais c'est pour ça que c'est dangereux. Tu peux l'intellectualiser d'une façon qui va être... qui aura pas de... Tu porteras pas de jugement. Tu vas simplement jouer avec les mécanismes de par l'apprentissage. Bon, comme dans une conférence, comme dans des livres ou des choses comme ça. Ça, c'est bon. C'est palliatif. C'est bon. Ça peut régler l'ennui pour le moment. Puis il va venir un temps où l'individu va être capable de canaliser assez de différentes formes d'énergie, comme la créativité. Entre autres, pour pouvoir justement supprimer l'ennui au niveau de sa vie. Mais l'ennui, il vient quand l'homme s'y en attend pas, pour la simple raison que l'homme ne sait pas d'où il vient. Puis l'ennui vient simplement du fait qu'on accroche toute notre expression psychologique au support extérieur. Puis quand je dis extérieur, ben si t'es capable de te coucher et partir en rêve n'importe quand ou faire un petit voyage astral, ben c'est bien amusant, mais tu t'ennuieras pas. Si t'es capable de faire de la peinture puis d'exprimer une émotivité sur une toile, tu t'ennuies pas parce qu'il y a un support. Le support, il est matériel. La majorité des supports vont être matériels ou vont être au niveau d'un événement. Mais l'événement, c'est de la matière pareille qui est en transformation. Alors, ce qui fait que l'ennui ne pourra pas se matérialiser si toi, tu as conscience de son mécanisme. Alors, l'ennui va se matérialiser dans ta vie, va devenir un événement pour toi s'il n'y a pas de support à l'expression d'une de tes facettes psychologiques. Puis quand il y a ça, toi, tu peux même réussir un jour, puis ça, c'est des ennuis chroniques, puis ben là, c'est pathologique. Tu vas finir aussi par, justement, comme on disait tout à l'heure, te servir de l'ennui comme support pour pouvoir exprimer un astral négatif. Moi, je vois rien. Je suis un écueil, j'ai tout raté ma vie. Moi, je prends de la boisson pour oublier que je bois, puis j'ai bien du fun, puis je sais pas quoi faire. J'ai plus de chum, j'ai plus de femme, mes enfants veulent pas me voir. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puis à un moment donné, tu te sers de ce phénomène-là d'ennui pour pouvoir exprimer une forme d'astral négatif. OK? Alors, en exprimant l'astral négatif, ben, tu ne fais qu'engendrer de l'astral négatif au lieu d'engendrer un astral positif. Les deux, c'est le même bobo, mais il y en a un qui est plus plaisant que l'autre pour l'instant. OK? Alors, ce qui fait que, si tu fais pas attention, puis si lentement ton ennui, ton phénomène d'ennui, tu vas triper dessus. Tu vas prendre plaisir. Ce sera pas un plaisir comme tu l'entends, mais l'astral va s'exprimer, elle, avec plaisir dedans ton ennui. C'est de l'astral juste négatif. Alors là, ça peut t'amener dans ta taverne. En quelque sorte, est-ce qu'on pourrait dire que l'astral positif peut servir de pont tandis que l'astral négatif est un chemin qui amène à la rivière. Oui, oui, oui. C'est un bien philosophique. C'est bon, c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que ton astral négatif, qui est toute l'émotivité qui peut être engendrée par notre astral, notre psychologie, mais qui va amener l'homme à une décrépitude totale, là, qui peut être à court terme ou à très long terme. Alors, l'ennui, d'ailleurs, c'est un phénomène d'expression de l'astral négatif, la psychologie négative de l'homme. C'est sûr que si toi, tu finis par te motiver, tu t'ennuies un soir, puis là, tu te décides, ben crime, m'aller voir un film, ça a beau être plate, m'a sorti, m'a faire de quoi? Il y en a qui vont faire ça après 2-3 semaines d'ennui dans la maison. Il y en a qui font ça après quelques années. Mais là, c'est une motivation, c'est-à-dire que tu transformes une énergie d'astral négative en énergie astrale positive. Mais ça, c'est seulement à la condition que tu n'as pas passé ta vie à t'ennuyer. Okay? Quand je parle passer ta vie à t'ennuyer, je parle d'un ennui qui est constant. Parce que c'est évident que du monde qui s'ennuie tout le temps, pour la simple raison qu'ils attachent plus d'importance à leurs ennuis qu'au plaisir qu'ils ont eu. Puis, c'est plus bon, c'est meilleur pour l'homme d'attacher de l'importance, évidemment, à son astral positif qu'à son astral négatif. Autrement dit, l'astral s'exprime, lui, par la violence ou bien non, par l'amour. Alors, je te donne deux antagonistes. Mais c'est plus constructif pour la race humaine qu'elle s'exprime par l'amour que par la violence. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'à un moment donné, il y a des instructeurs qui sont venus puis qui ont manipulé les masses en leur donnant... l'homme ne comprenait pas ce qu'il faisait, là. Fait que vu qu'il ne comprenait pas, bien, on y a simplement instauré des clôtures, on y a instauré des lois, la loi de l'amour, entre autres, qui disait, bon, ben arrêtez de vous remettre les coups, là, l'œil pour œil, dent pour dent, tout ça, c'est plus bon, la loi du talion. Et puis, faites ça, sans ça, fessez, vous allez manger. Bon, fait que l'homme, ils ont commencé à faire ça, ils se sont aimés entre eux autres, ils ont massacré ceux qui voulaient pas s'aimer entre eux autres, là. Mais ça l'a quand même permis à des populations entières d'arrêter de se massacrer puis de continuer à vivre. Puis on en est rendu aujourd'hui où se concentre-tu toujours pour l'amour, mais ça l'a quand même permis à la race humaine de quelques milliers d'individus d'arriver à 4 milliards. Bon, maintenant que l'homme a plus besoin de croire, parce que l'homme est capable de comprendre un mécanisme au lieu de croire à l'existence du mécanisme, ben là, l'ennui, tu peux t'en débarrasser. Tu peux décider, par exemple, je m'ennuie, puis c'est Dieu, ça, qui veut ça. Ben non, c'est mon karma, parce que j'ai fait telle chose, puis là, ben, tu sais. Tu peux t'attacher, puis ça peut te permettre de vivre un certain temps quand même, pour la simple raison que tu attaches, comme sport psychologique, tu vas aller chercher une philosophie, un concept, une religion, quelque chose comme ça. Mais c'est évident que dans ta démarche évolutive psychologique, là, tu vas avoir plus de possibilités de t'ennuyer, plus tu as de mémoire d'accumuler. Puis l'homme, aujourd'hui, dans 10 ans, peut accumuler autant de mémoire que Léonard de Vinci n'a accumulé au cours de sa vie. Un adolescent de 10 ans, il en sait des choses, parce qu'il y a les livres, il y a la télévision, il y a la radio, etc. Bon. Alors, ce qui fait que plus tu as de mémoire d'accumuler, plus tu vas donc vouloir exprimer ces mémoires-là, plus tu vas vouloir exprimer ta psychologie, plus tu vas découvrir des mécanismes pour l'exprimer. Hein? Écouter de la musique, c'est une expression, ça. Là. Alors, tu as différentes choses. Mais plus tu vas avoir des possibilités, justement, d'effondrement d'un de ces supports-là. Si toi, tu es versatile psychologiquement d'une façon assez abondante, là, un support qui disparaît, ça n'a pas d'importance, tu ramasses l'autre. Mais ce qui arrive, c'est que la vie fait en sorte justement que les supports viennent à disparaître un après l'autre. Si tu es assez créatif pour pouvoir t'en construire d'autres, tu peux arriver pendant un bon bout de temps à vivre. Mais quand tu es sur ton lit de mort, là, tu te demandes, hein, tu commences à t'ennuyer, puis tu te demandes justement si ce que tu as fait, ça a été utile à quelque chose. Puis ça, c'est une autre forme d'ennui, parce que là, toute l'expression que tu as mis, tu l'as exprimé sur des choses, puis quand tu commences à plus croire à la réalité de ces supports-là, là, tu t'approches d'une grosse catastrophe. C'est une catastrophe qui peut t'amener à une mutation psychologique. Bon, mais présentement, les jeunes la vivent déjà, celle-là, là. Ils cherchent des palliatifs différents, parce que, je veux dire, il y a bien des choses que les adultes se servent, que ça sert à rien aux enfants, ça ne peut pas servir de support, puis les enfants s'ennuient plus souvent. Pour ne pas s'ennuyer, ce qu'ils vont faire, ils vont perturber leur mécanisme d'ennui, c'est-à-dire qu'ils vont justement s'occuper la tête au coton. Soit avec des narcotiques, soit avec de la musique, soit avec, bon, c'est un petit groupe, ils vont discuter de n'importe quoi, soit avec le sexe, soit avec n'importe quoi. Bon. Alors, ce qui fait que dans l'évolution même de l'homme, si on regarde dans l'époque des hommes des cavernes, ils ne s'ennuyaient pas souvent. Ils ne fait pas s'ennuyer non plus. Il y avait en masse à découvrir de toute façon, mais il n'y avait pas le cerveau pour emmagasiner assez de mémoire pour pouvoir faire des comparaisons entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent vivre. Mais aujourd'hui, nous autres, non seulement on a des choses qu'on a vécues, mais en plus, on a accès à la mémoire de la planète. Je sais, moi, qu'il y en a qui vont sur la Lune. Je sais, moi, qu'il y en a qui vont sur des îles des Antilles. Je sais qu'il y en a qui ont des voiliers. Je sais qu'il y en a qui ont des domaines. Je sais tout ça. Ce qui fait que moi, je compare en partant à ce que j'ai vécu ou ce que d'autres ont vécu, que ça aurait pu être moi. Je compare tout ça, qui est une illusion, avec ce que moi, j'aimerais vivre. Puis là, je peux me mettre des buts, justement, dans la vie, puis je me mets des supports, puis tout ça. Puis là, ça peut me permettre, moi, de passer par-dessus l'ennui, puis de vivre. Puis je peux vivre pleinement. jusqu'à temps que le support se désagrège. Puis quand le support va se désagréger, soit par l'impossibilité matérielle d'y arriver ou par l'atteinte du but. Quand tu as atteint ton objectif, là, qu'est-ce que tu fais après? Tu tombes sur le derrière en tabarouette parce que là, tu n'as plus de raison de vivre. C'est ça. Il y en a un maudit paquet qui s'en rendent pas compte et qui paniquent en maudit rendu en haut. Parce que l'attrait du but était plus important pour eux autres que le but. Puis quand ils l'ont atteint, le but, là, ben, ils sont faits. Alors, c'est pour ça que, veut pas, l'ennui, c'est assujetti à la psychologie de l'homme parce que sa psychologie justement, là, l'ennui vit dedans. Très souvent, le but est plus difficile à conserver que l'atteinte de ce but. Ben oui, c'est bien. Par exemple, tu fais une révolution, tu veux mettre un pays à feu et à sang pour pouvoir renverser un gouvernement, mais quand tu arrives à la place du gouvernement après ça, ben regarde le nombre de guerrieros qui savent quoi faire. Ben ils savent quoi faire, ils reforment un autre clan, puis après ça, ils luttent encore contre le gouvernement qu'ils viennent de mettre en place. Bon, si tu regardes simplement juste au niveau de la psychologie de l'ennui, l'homme, c'est très anodin, mais on va à une station-service comme tout à l'heure, puis le garagiste, il vend de fret, hein? Ben oui, il vend de fret, mais il se plaint. Il se plaint parce que s'il se plaint pas, ben ces mécanismes-là qui sont absolument incontrôlables par lui, ben le gars, il est même pas habillé, il serait intelligent, il s'habillerait, puis il se plaindrait pas. Mais c'est pas ça qui est amusant, c'est que tu te plains de la même chose du climat, de la température que de toutes tes conditions sociales. Oh, les maudits gouvernements. Oh, la maudite température. Puis tu remarqueras que dans la psychologie de l'homme, justement, il y a besoin. Puis ça, c'est une affaire qui est assez remarquable pour l'homme. L'homme sent qu'il vit quand l'homme est contrarié. Bon, tu peux être contrarié positivement ou négativement. Mais quand tu es nul, tu t'ennuies. Alors, tu as besoin d'une contrariété. Okay? Alors, on se plaint. Alors, soit qu'on aime de quoi, soit qu'on se plaint contre de quoi. Mais il faut que l'homme, pour pouvoir prendre conscience qu'il existe, qu'il vit, il faut que l'homme soit contrarié. Puis quand j'ai contrarié, positivement, t'as du fun, c'est plaisant, t'es correct, négativement, tu broyes, t'es en colère, t'es en maudit, tu veux détruire, tu veux bouleverser, tu veux bon. Mais quand t'es entre les deux, là, t'es dans l'ennui. Puis on dit pourtant, un crime, c'est le sage qui devrait être entre les deux. C'est ça, c'est vrai. Quand t'es dans l'ennui, là, ben, vis-la l'ennui, puis observe-la l'ennui, là, va disparaître l'ennui. Puis l'ennui va disparaître. Puis les deux autres extrémités de contrariété apparaîtront pas pour autant. Mais toi, tu vas commencer à découvrir des affaires, par exemple. Si t'es pas prête, ben là, tu auras peur. Ça va te contrarier, tu vas être correct. Tu vas revenir comme avant. Tantôt, tu parlais de l'homme des cavernes. Comme tu disais, lui, il avait pas le temps de s'ennuyer. Il avait pas le temps. Il n'y a pas la possibilité de s'ennuyer, surtout. Et puis aujourd'hui, on a tout pour ne pas s'ennuyer, en apparence. Mais oui, parce que c'est du support extérieur, on n'a rien changé. Mais l'homme travaille beaucoup moins d'heures qu'il travaillait à ce moment-là. Il s'ennuie plus d'heures qu'avant. Alors... Tu vas jouer au tennis, l'homme, justement, il n'est pas capable d'assumer sa solitude. Puis ça, c'est donc important, ça, dans l'évolution psychologique de l'être humain. Tu as toute une forme manipulatrice qui est l'astral, qui est tes émotions. Tu ne fais que réagir tout au long de ta vie à tout ce qui t'est amené extérieurement ou intérieurement. Tu ne fais que réagir. Si je t'insulte, tu réagis. Si je t'invite, tu viens, mais si je ne t'aurais pas invité, tu ne serais pas venu. Ce qui fait qu'en partant, tu réagis toujours au stimuli extérieur. Tu peux réagir de deux façons, d'une façon émotive ou d'une façon intelligente, mais tu n'as pas le choix, tu n'es qu'un paquet de réactions. Puis c'est pas mauvais, ça. Faut pas qu'on se juge. En ça, on se ramasse encore dans des dilemmes philosophiques. Il y a une chose qui est réelle à un moment donné, puis c'est de celle-là qu'il faut qu'on parle. Puis on ne juge pas la réalité. La réalité, c'est ça. Tu es assis, es-tu bon ou c'est mauvais? Mais merde, t'es assis. Pour l'instant, c'est là la réalité. Alors, ce qui fait que toi, si tu as un accident, tu vas réagir à l'accident. Si tu as une mortalité, tu vas réagir au niveau de ta vie. Si tu rencontres une femme à ton goût, c'est encore une des réactions, parce que la femme n'est pas là, t'as pas ces réactions-là. Tu ne fais... l'homme est un paquet de réactions. Bon, alors il y a son corps physique qui va réagir à la douleur, qui va réagir au manque de nourriture, qui va réagir au manque d'air. Bon, c'est la nourriture, ça aussi. Puis après ça, tu as le vital, ce qui va faire vivre le corps. C'est ce qui différencie une personne qui dort d'une personne qui est morte. Quelque chose dedans, c'est le corps éthérique, mais le terme n'est plus tellement adéquat. C'est le corps vital que tu as dans les plantes, puis dans le minéral, puis tout ça. Bon. Alors, ce corps vital-là, lui aussi, a une évolution qui lui est propre, qui est intrinsèque à lui, OK? Et puis qui va lentement, par son évolution, susciter un autre genre de corps, qui est de l'astral, qui est la psychologie de l'homme. Cette psychologie-là s'exprime, comme le corps dans la matière s'exprime, la psychologie de l'homme s'exprime. L'homme des cavernes avait une tout petite, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus en rapport avec la mémoire corporelle, mémoire génétique, qu'on peut appeler l'instinct. Il y a une grosse partie de la mémoire qui est chimique. Bon, ils ont commencé à découvrir ça, je pense. S'ils ne l'ont pas commencé, ils vont le découvrir bien vite. Alors, ce qui arrive, c'est que au niveau de ta psychologie, tu vas commencer, toi, à l'interpréter parce que la psychologie astrale de l'homme est capable de méditer sur elle-même, de s'interpréter elle-même, où qu'on en est rendu aujourd'hui. Elle est capable de se gérer, capable de se maudire, de s'aimer, Puis comme toi, tu as différents types mémoriels qui vont s'agglomérer ensemble, qui vont essayer après ça de s'exprimer, tu deviens un individu à multiples personnalités. Le plus gros paquet de mémoire qui a pu s'agglomérer selon une forme particulière va créer toi. Toi, tel que tu veux t'exprimer ou tel que tu t'exprimes. Bon. Et de temps en temps, ben, il y a des parcelles, ça s'est renversé par un événement qui va te manipuler. Tous ces corps-là sont manipulés. Alors toi, tu es toi-même, tu es calme, tu es bien. Puis d'un coup, il y a de quoi qui arrive, là. Puis là, tu es tout à l'envers, tu es tout croche pour la simple raison que ce qui s'exprime maintenant, ce qui a réussi à se servir du support de l'événement, c'est plus la parcelle mémorielle psychologique qui est habituellement connue par tout le monde. C'est une parcelle qui vient là s'exprimer. Puis même ça, ça peut susciter en toi un conflit. Quand toi, tu t'ennuies puis que tu ne veux pas t'ennuyer, ça suscite un conflit. Parce qu'il y a une chose qui est vécue présentement qui s'exprime, puis tu essaies de faire exprimer quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas de support. Alors, ça crée un conflit à l'intérieur de toi qui devient le support lui-même, puis ce conflit-là est un problème. La personne qui fume a un problème. La personne qui lutte pour arrêter de fumer a un deuxième problème. Elle a un conflit maintenant interne. Tu es en colère, tu veux contrôler la colère, tu as un deuxième conflit. Puis lentement, ces conflits-là qui sont au niveau vibratoire de l'astral peuvent dégénérer en vibrations malsaines au niveau du vital, qui peuvent entraîner des maladies psychosomatiques, des maladies dans le domaine de la matière. Alors, ce qui fait que tu es manipulé. Pourquoi tu es manipulé? Bien, pour la simple raison que tout ce qui se passe au niveau de tes mémoires, au niveau de n'importe quoi, si je dis cheval, bien, ça suscite cheval. Si tu vois n'importe quoi, ça suscite suite de quoi, on est un paquet de réactions. Ça, c'est pas grave, c'est comme ça, puis c'est correct. Sauf que si on est capable de rendre intelligente ce qui va sortir au niveau de notre conscience, ce qui va sortir de notre mémoire, donc si notre corps mental, puis là, l'homme s'en est battu au cours des quelques 8000 dernières années, un corps mental assez adéquat, bien là, ce qui va arriver, c'est ça, c'est qu'au lieu de réagir d'une façon émotive, donc tout croche, tu vas réagir d'une façon intelligente, encore croche, mais drôlement mieux. Alors, l'homme est manipulé, puis quand l'homme s'ennuie pourquoi? Parce que justement, les supports extérieurs qui, normalement, lui permettaient de s'exprimer ne sont pas là, ou l'homme ne les perçoit plus, ce qui arrive, ce qui revient au même, parce qu'en réalité, le support, lui, même qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. C'est rien que la perception de l'homme. Ce qui est à l'extérieur, c'est réel, c'est ce qui est en dedans de l'homme qui est l'illusion. Alors, ce qui fait que toi, si tes supports disparaissent, ben, automatiquement, tu as une manipulation encore. Par contre, moi, j'arrive à un moment donné où je peux justement exprimer les émotions que ça me tente quand ça me tente. Fait que je peux avoir peur, puis faire peur. Puis je peux rire, puis faire rire. Mais j'ai pas besoin d'un support extérieur. Alors, ce qui fait que si tu es capable de pouvoir laisser exprimer les parcelles de ton astral, les parcelles positives, c'est plus plaisant, sans avoir nécessairement recours à des supports extérieurs, la drogue est un très grand support extérieur, justement pour l'expression des formes astrales. Alors, sans avoir recours à des supports extérieurs, ben, tu t'ennuies plus. Puis, il y a bien des mécanismes de problématiques pour l'homme qui disparaissent, qu'on a déjà parlé, puis qu'on va reparler à un autre moment donné. Là, on parle des peurs, des craintes, des jalousies, du malheur, de la souffrance psychologique, de paquet de choses, là, tous les problèmes psychologiques. En revenant à la peur, là, tantôt, quand tu mentionnais que quelqu'un qui ne comprend pas l'ennui, ne comprend pas qu'est-ce que c'est qui se produit, puis elle continue à exister. À ce moment-là, il y a une peur qui est créée. Quel est le phénomène qui déclenche cette peur-là? Bon, c'est que si tu as un support qui est important pour toi, tu dépends toujours de l'importance que tu attaches au support. Tout à l'heure, on parlait de la compagne, on parlait d'un auto, on parlait de ton chien, on parlait de mon... Okay. Tout dépend de l'importance que tu attaches à un support. Si le support disparaît, bon, automatiquement, toi, il y a une forme d'expression que tu ne pourras plus avoir. Qui part. Tant que le support, ça crée un trou à l'intérieur de toi, tant que le support ne sera pas comblé par d'autres choses. OK? Alors, ce qui arrive simplement, c'est que si tu comprends bien, si tu observes la philosophie, le support, présentement, c'est un appareil magnétocassette. Et puis, si l'appareil, justement, qu'on se sert disparaît, bien, ça crée un problème au niveau de l'expression. Une répétition de mots, en tout cas. Ah, ben ça, c'est pas bien grave. Alors, ça crée un problème. Le support étant disparu, parlons encore de mortalité. Il y en a bien qui disent que je reviens toujours là-dessus, mais Torvis, c'est ceux qui me posent des questions, qui reviennent là-dessus. Si tu as une personne qui t'est chère, qui meurt, alors, il y a un support extraordinaire qui vient de partir, un support que tu t'étais habitué puis tu exprimais 10 millions de formes sur ce support-là. Ça pouvait être l'amour, ça pouvait être la colère, ça pouvait être n'importe quoi. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de support. tant que tu ne réussiras pas à trouver un support similaire pour pouvoir continuer à t'exprimer, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à être toi. Puis c'est dans la destruction d'une parcelle de toi-même, c'est-à-dire tu ne peux plus exprimer une parcelle de toi parce qu'il manque le support. C'est là-dedans, il y a un trou à l'intérieur de toi parce qu'il y a une parcelle de toi qui vient de disparaître en même temps que le support. Alors c'est ce trou-là qui est le vide, qui s'appelle l'ennui. Alors toi, tu vas donc commencer, premièrement, à t'aplatir sur toi-même si c'est une mortalité. Tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être faire des démarches pour pouvoir... tu peux aller allumer des cierges, tu peux faire un paquet de choses qui ne changeront rien, mais qui vont supporter ta douleur, donc ton ennui, pendant un certain temps. C'est un ennui, ça, qui s'exprime présentement en tristesse totale, mais ça reste un ennui. Alors, ce qui fait que, lentement, tu vas finir par trouver... Bon, le monde peut t'aider. Tu vas finir par trouver différentes choses pour pouvoir remplacer ton support. Mais si ça prend un certain temps avant que le support soit remplacé, il y a un trou à l'intérieur de toi. Puis ce trou-là, vu que ta psychologie va comparer le trou présent, qui est une réalité avec ses mémoires, le temps qu'il n'y a pas de trou, bien, tu as donc un désir de pouvoir combler ce trou-là par la ressuscitation de ta personne ou par la rencontre avec un autre support à peu près identique ou du moins qui va te permettre de pouvoir exprimer ça. Ça peut être un support absolument matériel comme un support humain. Okay? Le temps fait que justement, tu vas pouvoir rencontrer d'autres supports, ce qui fait que la douleur disparaît, l'ennui disparaît, la tristesse disparaît. Et puis après ça, tu peux parler de la personne que tu as perdue sans que ça te fasse rien parce que le support, il est là. Tu as des nouveaux supports. Mais si ces supports-là ne viennent pas, toi, tu as le désir qu'ils reviennent parce qu'il y a un trou à l'intérieur de toi. Puis, ayant le désir qu'ils reviennent, tu as automatiquement le désir de qu'ils ne reviennent pas. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça, là, mais bref, tu veux qu'ils reviennent, puis tu ne veux pas en tout vivre l'événement qu'ils ne reviennent pas. Tu as donc deux désirs en même temps. Hein? J'ai déjà expliqué le phénomène de la peur. Là, tu veux que les supports reviennent. Tu t'ennuies au coton, là, ta femme est morte ou ton chien est mort. Là. Je ne fais pas une comparaison entre la femme et le chien, évidemment. Là. Mais c'est le support que tu emploies. Ton char est scrappé. Et puis, tu veux que ça revienne. Il y a une partie de toi qui doit s'exprimer. Là. Merde, il faut que ça revienne. Puis si ça prend un certain temps, ben là, tu veux tellement que ça revienne, puis là, tu commences à plus être sûr que ça va revenir. Parce que quand tu désires de quoi, tu as automatiquement le désir antagoniste, ce qui fait que le lien entre les deux, c'est la peur. Si tu désires être grand, tu désires pas être petit, ce qui fait que si tu désires être grand, tu as peur d'être petit. Bon, si tu désires que le support revienne, mais tu as peur que le support ne revienne pas. C'est pour ça que si ça prend un certain temps avant que le support revienne, ben ça peut générer une peur en toi qui peut s'exprimer de différentes façons pour commencer. Une tristesse, un retour vers toi qui va faire que tu vas te renfermer à l'intérieur de toi. Tu vas essayer de revivre comme support, tu vas essayer d'employer seulement ton schéma mémoriel de ce que tu as vécu avec l'individu, par exemple. Tu vas essayer de prendre ça comme support, mais c'est un support qui n'est pas suffisant pour toi parce qu'il est différent de la réalité. C'est un support qui est seulement mémoriel, qui est seulement illusion. Alors, tu vas donc te renfermer sur toi pour essayer de reprendre comme support tes mémoires. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a un vécu autour de toi qui, lui, continue à progresser indépendamment de l'événement, donc de la disparition des étoiles continuent à tourner. Hein, le soleil se lève pareil, puis toi, tu es là dans ton coin, puis tu brailles, puis tu essaies de revivre ça, puis ça ne se passe à rien. L'univers n'arrêterait pas de virer pour toi. Alors, ce qui fait qu'après ça, si le support ne revient pas, ou ben non, ça prend un certain temps qui est défini pour toi comme étant trop long, ben ça crée une crainte, ça crée une angoisse, ça crée une peur. Puis ça peut dégénérer, évidemment, en d'autres choses. Alors, la peur est suscité par tout ce qui suscite la peur. Simplement le désir de vouloir avoir une continuité dans un événement par rapport à une mémoire. Or, l'ennui amène une peur à la longue. Il y a du monde qui ont la peur, de toute façon, on peut même avoir peur de s'ennuyer avant même de s'ennuyer. Puis ça, c'est simplement un phénomène qui n'a pas rapport à l'ennui, qui a rapport à la peur. Tu désires ne pas t'ennuyer, donc, tu as peur de t'ennuyer. Puis là, l'ennui va susciter la peur, mais tu peux aussi avoir peur de t'ennuyer. Compliqué, l'homme. Si on en revient au support, est-ce qu'il est préférable d'avoir des petits ponts ou un grand pont? C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de moyens palliatifs temporaires. On parlait, par exemple, d'intellectualiser sans juger, sans critiquer. Donc, la critique, c'est tout le temps émotif, ça. Tu vas critiquer quelque chose parce que tu prends un concept mémoriel et tu viens voir s'il fit. Alors, quelqu'un est mal habillé parce que tu as le concept de ce que c'est quelqu'un de bien habillé. Quelqu'un fait quelque chose de mal parce que tu as le concept de ce que c'est de faire quelque chose de bien. Ça, c'est émotif. C'est mémoriel, c'est un concept, c'est une idée que tu t'es formé puis que tu crois, puis que tu te sers de ça pour juger, pour critiquer. Si tu es capable d'intellectualiser sans jugement, donc sans être teinté par ton corps astral, sans être teinté par ton émotion, tu vas pouvoir fabriquer des petits ponts. Je m'ennuie à soir, puis c'est plate à la mort, mais il faut que je fasse de quoi? T'as office sans ça, j'arriverai pas à dormir, c'est plate, tu sais. Fait que tu fais de quoi? Là, tu l'as intellectualisé, puis tu l'as raisonné, mais sans l'avoir jugé. T'as pas commencé à dire, oh, faut pas, je m'ennuie, c'est plate, là, faut pas, c'est pas bon, m'ennuyer. Puis fling, fling, fling, fling. Ça, tu règles rien pendant que tu fais ça. Dans la démarche, l'intellectualisation va t'amener à une démarche, là, tu règles l'ennui. Ça, c'est des petits ponts, comme tu dis. Si tu observes l'ennui, que tu la laisses vivre de A à Z sans que la peur vienne s'en mêler, t'as pas peur de t'ennuyer, là, tu veux l'observer, l'ennui, là. Tu l'observes en excluant tout le reste, donc tu l'intellectualises même pas. Tu ne fais que l'observer, bien ça, c'est un grand pont. Mais l'observation, là, c'est un des ponts qui va amener l'homme justement à se libérer de lui-même. Pas rien qu'au niveau de l'ennui, au niveau de tout. Au niveau de tous ses problèmes. La psychologie émotive, l'astral psychologique de l'homme, c'est bon. C'est bon tant que c'est pas le contrôleur, tant que c'est pas ça qui est le maître. Présentement, c'est ça qui nous domine. Alors, c'est ce qui fait qu'on a tous les problèmes psychologiques qu'on connaît, que l'homme est humain. C'est pour ça que l'homme est humain. Bon. Par contre, si c'est l'intellect qui domine, l'homme est drôlement moins humain dans le sens de ses problèmes, mais l'homme est assez intelligent d'une façon intellectuelle pour pouvoir laisser exprimer une émotion, donc une parcelle de sa psychologie astrale, quand c'est utile. Ce qui fait que moi, j'ai des émotions, mais jamais mes émotions viennent perturber ma possibilité mentale de penser. Alors, ça laisse pas de traces. Mais je suis capable d'avoir du fun avec mes enfants, mais je suis capable de rire comme il faut quand je vais voir de quoi qui est comique, je suis capable d'avoir bien du fun. Sauf que si on va voir un film, puis on a bien du fun, t'arrives là avec les enfants, puis c'est au bout, on va bien rire, t'arrives là, le cinéma est fermé, ou bien non, il y a une grande queue de 300 personnes à la porte. Mais moi, ça me dérange pas. Eux autres, ça les dérange. Bon, j'ai de l'émotivité, j'ai les mêmes choses, sauf que ça ne vient pas perturber mon intellect. Ça laisse pas de traces en moi. C'est pas une nécessité d'avoir une expression émotive. Mais t'en as une qui est beaucoup plus intensive que n'importe laquelle, sauf qu'elle ne te perturbe pas. À la base, l'importance pour les enfants de voir le film et l'importance pour toi de voir le film est différente. Oui, mais la chose qui vient de plus, qui est la grosse différence, c'est que l'importance de laisser une émotion s'exprimer quand elle le veut, ça n'existe pas en moi. Alors, ce qui fait que toi, tu commences à rire, tu aimerais continuer à rire, puis là, automatiquement, tu vas avoir une continuité temporelle dedans ton événement. Puis là, tu vas commencer à souffrir si tu n'as pas eu l'expression complète de ça. Tu veux faire l'amour avec quelqu'un, puis tu commences presque, puis à un moment donné, le flac, l'huissier y arrive, là, vient saisir les meubles. Ben, ou n'importe quel élément perturbateur, là. Ben, automatiquement, vu que tu n'as pas la possibilité de continuer à... Tu voulais t'exprimer quelque chose si tu n'as pas la possibilité, puis tu as le désir de vouloir le faire, tu vas souffrir. C'est ça, être humain pour l'instant. Mais l'humain n'est pas venu au monde pour souffrir. L'humain, là, comme je dis souvent, l'humain, un jour ou l'autre, va te condamner à être heureux, puis ça, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Alors, présentement, il faut juste qu'il arrive à comprendre les mécanismes qui lui apportent ces souffrances-là. L'ennui est une souffrance psychologique. Combien que ça va prendre de temps pour la masse de population à cette condamnation-là? Ça n'a aucune importance. Pas important pour tout. Il faut que l'individu qui y pense puis qu'il sait se libère, le reste. Et il y en a bien qui ont passé leur vie à essayer de sauver du monde. Ils ont assez souffert pour les aider. Ils sont assez ennuyés parce que ça ne marche pas, puis etc. Et les autres, pendant ce temps-là, il y a d'autres qui essayaient de les sauver. Personne ne s'est sauvé eux autres même. Tout le monde a essayé de sauver les autres. Fait qu'à un moment donné, il faut s'occuper de nous autres. Sans ça, là, on n'est pas loin. On ne sort pas de l'ennui non plus. C'est-à-dire que si je me sers, comme certaines personnes vont faire, c'est sûr que si moi, je vois quelqu'un qui s'ennuie, puis que moi, je m'ennuie, son ennui peut me donner un support à exprimer pour m'exprimer différentes choses, puis moi, je m'ennuie peu. Fait que je vais essayer de l'aider pour qu'il arrête de s'ennuyer. Mais c'est un palliatif, comme tout à l'heure, on disait temporaire. Dire, ça ne règle pas mon problème. Quand tu es en présence de quelqu'un dont tu te plais, c'est intéressant de communiquer ou il y a des gens qui n'ont pas besoin de communiquer beaucoup, là. Mais à ce moment-là, tu vis l'instant présent plus que si tu n'es pas en harmonie avec la personne. Tu vas vivre l'instant présent tant que tu ne commenceras pas à aller revivre dans tes mémoires ce qui se passe. Alors, si on est ensemble, puis ça fait 2 ans qu'on veut se voir, là, tu es une femme, puis moi, je suis un homme, et puis on jase au restaurant, puis on a bien du fun, là. Faut bien l'imagination, qu'est-ce qu'on peut le dire. Mais bon, alors on est au restaurant, on parle, ça va bien. Ce qui va arriver, c'est que c'est là que le phénomène psychologique, là, tu vis ton moment, tu t'ennuies pas, tu n'as aucun problème, le patron, il n'est pas en tes jambes, il n'y a rien, tu es juste là, tu es concentré sur un événement réel, puis là, tu commences à t'approcher de ce qu'on appelle être, ce qu'on appelle vivre. Tu n'existes plus nécessairement, tu commences à vivre. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à 11 heures, il faut qu'elle s'en aille. Mais là, il faut que tu t'en ailles. Là, il est 10 heures, là. Là, lentement, là, je commence à décrocher du moment réel pour commencer à les repuiser dans mes mémoires, tout de suite, là. Des mémoires seconde après seconde, minute après minute, puis plus que l'heure approche, plus que ça approche du 11 heures, plus que moi, là, je commence à les fouiller mes mémoires, puis je commence à avoir un désir de continuité, mais je suis plus dans le moment réel pantoute, là. Puis là, je m'approche de la souffrance. Est-ce que ça serait une phase d'ennui, ça, un peu? Bien, dépendant. Si la personne, une fois que la personne est partie, si comme support, tu as la prochaine fois que tu vas la rencontrer, tu t'ennuieras pas. Si tu t'attaches juste au moment qui est un trou présentement puis tu n'as pas de support, c'est-à-dire que la personne est partie, tu n'as plus le support que tu avais besoin pour t'exprimer, tu n'as pas encore bâti le support qui peut être un support de projection au niveau du futur, c'est-à-dire, moi, la revoir dans deux semaines, là, puis ça va être le fun, puis là, m'a préparé, puis vraiment, bon, c'est un petit hôtel. Alors, si tu n'as pas déjà commencé à bâtir ce support-là pour pouvoir continuer à exprimer la même chose, bien là, tu vas t'ennuyer. Ah ouais. Si tu n'as pas un support immédiat qui vient s'installer quand il y en a un qui décolle, il y a un trou. Ça, l'ennui. Il faut que la personne ait un support continuellement. Puis, normalement, on en a continuellement des supports. Tu embarques dans ton auto après la conférence. Bon, le monde s'en va. Ils ont un support pour discuter. Ils ont un support pour jaser. Ou ils ont des tracas qui vont être des supports. Ils embarquent dans leur véhicule. Celui qui conduit normalement a un support pour pouvoir occuper sa psychologie. Ils arrivent à la maison. Bon, il y en a, il va prendre sa douche. Ils vont se coucher, etc. Ils vont organiser le 4 ans pour demain. Flic et flac et floc. C'est tout des supports. On en a continuellement. Mais le gros problème, c'est que quand tu n'as plus rien, puis l'individu veut pas, doit passer par ces petits stages préparatoires-là d'ennui pour arriver à un ennui qui va être purificateur ou destructeur, là. Mais normalement, c'est plus purificateur que destructeur, où ce que les formes vont commencer à être brisées. Puis c'est souvent l'ennui qui va transformer une personne, qui va l'envoyer des places qu'elle n'allait pas avant, hein, qui va lui faire découvrir des nouvelles facettes de l'existence matérielle extérieure. L'ennui, c'est un mot, t'as dit bon guide. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on le laisse devenir pathologique, ça va de soi. Puis, à un moment donné, dans l'évolution de l'homme, ben l'ennui va disparaître parce que l'ennui, l'école est plus bonne. C'est plus un bon guide. Enfin, quelqu'un qui canaliserait l'ennui d'une bonne façon et puis qui s'améliore. Mais l'ennui n'existe plus. L'ennui n'existe plus. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de support non plus. Non, parce qu'il n'y a plus besoin de support. Quelle est la force qui s'est intégrée à l'intérieur de l'humain à ce moment-là? L'humain est manipulé par sa psychologie présentement. De plus en plus, certains humains sont manipulés par leur intelligence passive, qui est donc l'intellect, qui réagit quand même aux mémoires et à tes apprentissages. Il y a une autre forme d'énergie qui est de plus en plus présente à l'intérieur des humains, à l'intérieur des adultes, surtout à l'intérieur des enfants, puis surtout qui va être de plus en plus présente à l'intérieur des nouveaux arrivants, des nouveaux-nés. C'est une énergie qui se rapporte à l'intuition, une énergie qui n'a pas une intelligence active, mais une intelligence passive, mais qui va devenir justement une intelligence active. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir à quelque chose, tu vas agir dans l'événement. Alors, ce qui fait que non seulement tu ne t'ennuieras plus parce que tout le phénomène qui est lié à l'ennui, toute la psychologie astrale, ne sera plus là pour diriger. C'est parce qu'elle dirige mal qu'il y a des trous, puis parce qu'il y a des trous qu'on s'ennuie, puis qu'on a des douleurs, des souffrances. Alors, ce qui va arriver, c'est que ces énergies-là, qui sont de plus en plus présentes dans l'homme, vont donner à l'homme la possibilité d'avoir un savoir instantané quand l'homme en a besoin, dans un moment instantané. L'homme se rapproche de sa vie, puis l'homme peut expliquer des choses, même si l'homme ne les connaissait pas. Ce qui fait que l'homme va apprendre lui-même en parlant. Il va s'écouter, là, et il va faire des cassettes, il va les écouter, les cassettes, puis il va apprendre. Alors, on pourrait parler, par exemple, de certaines intuitions qui vont diriger certaines personnes. Moi, j'ai vu une rabouteuse au Guatemala ramancher le pied d'un médecin, justement, qui s'était fait une fracture de la cheville. Rendu dans un hôpital de campagne après, ils ont passé une radiographie, il y a effectivement fracture, du calcanéum, d'une des malléoles, etc. Et puis, mais toutes les os sont en place. Fait qu'ils ont mis un plâtre, c'était bien correct. Mais le pied était tout croche, c'était complètement enflé quand on était sur un volcan qu'on était. Et puis la rabouteuse, elle connaît rien. Elle n'a aucune idée de l'anatomie, mais ses mains vont lui parler, elle perçoit des choses, l'intuition vient diriger, elle va tout en place à sa place, l'enflure a diminué à vue d'œil. Tout était bien correct, c'était pas guéri parce qu'elle n'avait pas encore un magnétisme assez fort pour pouvoir faire une guérison, mais elle avait une intuition. Alors, ce qui fait que tu as certains chirurgiens ou tu as certaines personnes qui vont avoir, à un moment donné, qui vont faire des découvertes. Pourquoi tu as découvert ça? J'ai aucune idée, mais à un moment donné, j'ai eu le feeling que, bon, ça, c'est de l'intuition, puis ça, c'est l'intelligence active qui t'amène un savoir instantané quand tu en as besoin. L'individu s'en va de plus en plus vers ça. Il sera plus manipulé par ses formes astrales. Beaucoup de gens dans le passé ont connu cette, ont eu cette rencontre avec l'énergie. Des gens comme Marconi, Edison, Nikola Tesla, les grands peintres, les grands musiciens. Les autres ont pu aussi justement. Parce que ils appliquaient un peu ce que le Nazaréen disait quand il disait « ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père ». Comme la rabouteuse, elle se laisse aller, mais d'une façon sûre, absolument sûre. C'est sûr que le Nazaréen, quand il parlait d'une énergie qui était connue de lui, puis des Esséniens à l'époque. Le Nazaréen, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on parle de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Nazareth étant pas une ville, étant une secte essénienne, la secte des Nazaréens, entre autres. Et puis, l'homme ne fait pas grand-chose. C'est l'astral de l'homme, à part se créer des plaisirs. Puis quand tu as un plaisir, ben tu as une fin à ton plaisir, donc tu as un début à ta souffrance. À part faire ça, la psychologie de l'homme ne fait pas grand-chose. C'est évident qu'il y a une énergie qui est canalisée par l'homme. Quand l'homme réussit à être un canal, au lieu d'être un contrôleur, l'homme essaie de tout contrôler, mais quand l'homme finit par être un canal à la place, ben l'homme devient créatif, l'homme devient constructeur. Puis quand je parle créatif, il y a des créativités qui sont assez extraordinaires. Parce que comme tu dis, justement, l'inventeur de la lampe, il y a bien des inventions qui se sont faites, qu'il fallait absolument qu'il y ait justement une intelligence pas mal plus intelligente que ce qu'on connaît au niveau de notre psychologie, que diriger ces inventeurs-là ou ces créateurs-là. Mais de plus en plus, les enfants d'aujourd'hui sont contrôlés par l'énergie supramentale, l'énergie mentale supérieure, justement, l'intelligence active. Alors, ce qui fait que, étant dans une société qui est quand même un peu aberrée, par rapport à cette énergie-là, une société quand même qui a mis toutes les valeurs psychologiques sur le piédestal, ben, quand tu as des personnes qui vont parler pas contre ces valeurs-là, mais qui vont les remettre à leur place, parce que si on parle de la non-violence, c'est une valeur extraordinaire, mais la non-violence, c'est quoi? C'est de la violence qui est déguisée. Pour la simple raison que si moi je suis violent puis que je veux libérer mon pays, je ramasse du monde, je ramasse des armes, on tue tout le monde, on essaye de prendre d'assaut le gouvernement. Mais si moi je suis non-violent, qu'est-ce que je fais? Bien moi, par exemple, m'en faire comme Gandhi, je vais jeûner, m'en faire des mouvements pacifiques, m'en faire du jeûne, etc. Puis à un moment donné, m'en libérer le pays comme Gandhi a fait de l'Angleterre. Gandhi, c'est un violent qui était moins destructeur, qui était moins destructeur pour l'humanité, peut-être, mais en fin de compte, ça fait quoi la non-violence? Quand tu es violent, tu forces quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, tu le forces à faire ce que tu veux qu'il fasse. C'est ça la violence. Quand tu es non-violent, tu fais quoi? Tu essayes encore de faire à quelqu'un ce qu'il veut pas faire, tu veux faire ce que tu veux qu'il fasse. Sauf que quand tu es non-violent, tu mets toute la responsabilité de ce qui t'arrive sur son dos, alors tu es encore bien plus violent, mais tu appelles ça de la non-violence. La psychologie humaine a toujours fonctionné polaritairement d'une façon comme ça. Sauf que c'est toujours déguisé, puis l'homme a un nouveau support, une nouvelle forme, puis l'homme est content. De la violence, on passe à la non-violence. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Ça reste de la violence pareille. Ça, ce sont que des réactions. Tu réagis toujours, puis tu mets un nouveau support qui va aller un peu plus avec ton concept, avec tes découvertes, avec ta nouvelle philosophie qui est conceptuelle. Tu vas spéculer à un moment donné sur des choses, puis tu vas arriver à bâtir un schéma, puis tu vas décider que c'est ça, tu vas vouloir vivre ça. La non-violence, ça a été ça. Ça a été simplement de la violence déguisée, puis toute l'humanité a commencé à vanter ça. Alors, on détruisait la violence pour vanter la violence. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la psychologie de l'homme va se libérer de ces choses-là. L'ennui, c'est ça. Si tu as un support, c'est un support violent, ça va. Quand le support violent ne peut plus exprimer une nouveauté, on ne peut plus exprimer une nouveauté dessus notre support violent, on peut le transformer en support non-violent. Puis là, on peut vraiment exprimer le même phénomène de la violence, dessus quelque chose de neuf, puis on n'a pas de problème. Le trou qui est entre les deux, bien, il y a un ennui. Au début de la conférence, tu mentionnais que les animaux ne s'ennuient pas. L'animal qui est loin de l'homme s'ennuie pas. Plus l'animal se rapproche de l'homme, plus l'animal rentre dans le corps, dans l'éthérique astral, dans l'aura astrale de l'homme, puis automatiquement l'animal va évoluer lui avec psychologiquement par rapport à sa perception qu'il a de l'astral humaine, et puis l'animal va finir par subir les mêmes phénomènes psychologiques que l'homme. Il est obligé de se fier sur l'humain. Et des supports. Autant qu'un chien va avoir peur si tu as peur, que toi tu vas avoir peur si ton chien a peur, c'est parce qu'il y a des corrélations qui sont énergétiques au niveau psychologique. Alors, la vache s'ennuie pas dans son champ, il n'y a pas de problème, mais si tu mets une vache, tu l'as fait venir chez vous, puis tu la loges pendant un an ou deux. Quand tu mets ta vache dehors, elle va s'ennuyer en titi. Tant qu'elle est dans le champ, il n'y a pas de problème. Le chien va s'ennuyer, le chat va s'ennuyer. Pour les animaux domestiques, ça va. Mais si on prend les baleines, par exemple, parmi les sortes de baleines intelligentes, quand elles s'ennuient, automatiquement, j'imagine que scientifiquement... OK, mais là, c'est parce qu'on parle d'êtres qui... c'est des animaux. On prend, par exemple, les polars, l'ocre. qui est un animal qui est assez extraordinaire parce que, premièrement, il y a un cerveau qui est pas mal plus plissé que celui de l'homme, puis on détermine l'intelligence par le nombre de plis sur le cerveau de l'homme. Il y a un cerveau une fois et quart plus gros que celui de l'homme, en proportion avec son poids. Donc, l'épaulard serait théoriquement 10 à 15 fois plus intelligent que l'être humain, mais il n'y a pas un corps pour exprimer l'intelligence comme l'être humain en a un, alors avec ses mains et tout ça. Mais l'épaulard, c'est un animal qui, prenons comme exemple l'épaulard, là, c'est le seul animal qui a de la haine, qui va se venger, qui a de l'amour. Alors, si tu tues sa femelle ou son petit, ben l'épaulard mâle, par exemple, va vouloir te détruire. Puis il va vouloir te détruire même 5 ans après. Il va même, puis non seulement il va vouloir te tuer, mais en plus, il va te faire souffrir. Est-ce qu'ils ne se suicident pas aussi? Oui, ils vont se suicider, puis ça, c'est des phénomènes psychologiques. L'astral individu est lié à un astral qu'on appelle l'astral planétaire. Puis ces animaux-là qui ont une évolution psychologique assez grosse, les abeilles aussi ont quand même une évolution psychologique assez grande. Alors, ils ont toute une coordination au niveau de leur vie sociale, bien, les épaulards aussi, puis il y a certains types de baleines avec qui ont ça. Automatiquement, il faut que la baleine ait un corps astral qui fonctionne sans la baleine, c'est tout l'épaulard qui va avoir un corps astral assez développé. Les autres formes de baleines, eux autres, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des produits chimiques qui sont répandus à la surface des océans qui vont perturber leur sens de radar. Puis il y a des différentes formes d'énergie avec qui sont transformées par l'homme là, inconsciemment, qui vont perturber leur phénomène de radar, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir 150 baleines qui vont se chouer sur une plage. C'est pas un suicide. Mais c'est la pas baleine. Non, pas au niveau des baleines bleues. L'épaulard, s'il se suicide pas en collectivité, mais il peut arriver qu'un épaulard se suicide. Mais il va être à part. Puis si tu regardes, ben, tu vas trouver des raisons pourquoi l'épaulard va s'être suicidé. Parce que quand on voit ce que moi j'appelais ces suicides collectifs-là, ils persistent à ne pas vouloir retourner dans l'eau. Oui, la simple raison que leur instinct leur dit que c'est par là. Mais le radar même qui vient enseigner à l'instinct, là, l'instinct se fie à ce radar-là. Le radar est complètement perturbé. Il n'y a rien à faire, c'est là que ça va. Dis à un individu, par exemple, qui souffre énormément parce que l'individu a $1 million chez lui, puis il ne peut pas le mettre en banque, puis il a peur, là. Mais t'as beau à y dire, là, mets-le en banque, ben non, brûle-le, fait quoi, crime? T'es malheureux, puis t'as tout le temps peur parce que tu le gardes. Il n'y a rien à faire. Son instinct lui dit que c'est ça son bonheur. C'est ça qui le rend malheureux. Bon, ça, c'est psychologique. Ta baleine, elle a un instinct. Qui est une mémoire physique, qui lui indique « fais ça, fais ça, fais ça », elle doit le faire. La mère qui va donner sa vie pour sauver sa progéniture, il n'y a rien à faire. Elle va le faire. Bon, puis on dirait que c'est intelligent, on dirait que c'est émotif, c'est même pas émotif, c'est même pas psychologique, c'est même pas astral, c'est absolument matériel, c'est instinctif. C'est lié à sa mémoire génétique. Alors, ta baleine bleue, c'est la même chose, sauf que son radar est complètement perturbé. Chez les polars, par contre, c'est différent. L'épaulard va se suicider, non pas en groupe, mais individuellement. L'épaulard peut, comme tout à l'heure je disais, se faire souffrir énormément de... Alors, tu vois, le dauphin avec. Le dauphin aussi a une évolution psychologique astrale différente de celle des autres espèces. C'est deux mammifères différents. Tu vas avoir des dauphins qui vont préserver des baigneurs en Floride contre les requins. L'épaulard peut faire la même chose. Alors, il y a des choses comme ça. Ça, c'est des animaux qui sont à part. Bon, je parlais de la race, des animaux habituels, les autres ne s'ennuient pas. Je ne suicide pas non plus. Alors, en terminant, Daniel, est-ce que tu peux nous résumer des phénomènes que l'humain pourrait utiliser afin d'aller à l'encontre de l'ennui? Ben, faut que l'humain puisse réussir à s'observer. L'observation étant une porte libératoire contre à peu près tous les mécanismes négatifs de la psychologie de l'homme, donc de son astral, de son émotivité. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'humain qui attache une importance au support extérieur, pour si l'humain laisse son bonheur dépendre de l'extérieur, bien, l'humain il est manipulé par l'extérieur, puis l'humain va être malheureux quand l'extérieur ne lui amènera pas ses supports. Alors ça, je pense que l'ennui, c'est la même chose. C'est que quand tu as un support qui disparaît, tu t'ennuies. L'ennui va t'amener à la tristesse, à la mélancolie, à la nostalgie. Puis il peut t'amener très, très, très loin, dépendant du laps de temps que le support va être manquant. Puis plus tu as attaché d'importance au support, plus le support est gros. Si le support, c'est ton but dans ta vie, suicide des proches, si le support disparaît, parce que tu n'as plus de raison de vivre. Alors, c'est simplement ça, c'est d'essayer de s'organiser pour pas que notre bonheur ou toute notre constitution psychologique dépende des supports extérieurs. C'est déjà, pour l'instant, en tout cas, un des bons pas que l'humain peut faire, oui. Alors, je te remercie. J'aimerais vous rappeler que le titre de la prochaine conférence de Daniel, dans 2 semaines, c'est « Quel est le rôle de l'émotivité dans l'évolution? » J'aimerais aussi vous rappeler que toutes les cassettes, toutes les conférences sont enregistrées sur cassette audio et sont disponibles à l'arrière. Ainsi que sur vidéo habituellement, mais aujourd'hui, c'est parce qu'on est, nous avons été dans une exposition à Joliette et puis on a amené tout notre équipement pour filmer, mais habituellement, tout est filmé. Alors, si vous manquez une conférence que vous aimeriez revoir, en appelant au centre entre 1h et 11h, c'est-à-dire 1h et 7h le jour, il est possible de voir les vidéos sur réservation. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions, même si la cassette est finie? Là? On n'a pas des gens qui s'ennuient bien, bien. By the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing is a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. And we dance to a whispered voice, overheard by the soul, undertook by the heart. You may know it if you may know it. While the sand would become the stone, which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy, Santo, Santo, be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. As a song in search of a voice that is silent, and the one God.